Tout ça me fait penser quand j'avais appris qu'un robot conversationnel avait été écrit, avait été créé avec mes affaires. Puis que là, il y avait un robot conversationnel Berthold. Puis là, j'étais extrêmement en colère, puis je voulais savoir qui avait fait ça pour me qualifier de ridicule de vouloir le savoir. Les gens qui avaient fait ça, qui sont dans les gens qui m'ont le plus écouté, qui m'ont le plus lu, ils se demandaient pourquoi j'étais choqué de ça. Ils comprenaient pas. Là, j'ai encore des interventions, c'est tout le temps à côté de ce que je parle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas ça le sujet, là. Mais là, ça devient fatigant. Ça fait que je suis tanné d'interagir, ben franchement. C'est ça que je trouvais le plus plaisant, mais je trouve le monde de pire en pire. Puis je me dis, ben ça doit être une phase qui est comme ça, dans le sens que c'est peut-être moi qui vis une phase, puis que finalement c'est moi qui est de pire en pire. Ou bien, tout simplement, ben si je me fie à ce que je constate, que non, c'est pas moi, c'est bien dommage, mais tout le monde est plus ou moins dans un délire. C'est rendu ça. Je parle ceux qui s'intéressent à des sujets comme ça. Puis le problème, c'est que de parler de sujets comme ça va tout le temps attirer des gens ben, qui s'intéressent à ces sujets-là. Fait que ça me donne quoi de les dénoncer si finalement c'est du miel pour attirer des mouches que justement je veux pas voir puis que je veux rien savoir. Là, il est en train, là, que vous le vouliez ou pas, il est en train de sortir un paquet d'affaires, là, encore par rapport à Raël. Puis là, on parle même de torture d'enfants, des affaires qui n'ont aucun sens. Puis on a au Québec du monde qui ont recruté pour ce bonhomme-là. Puis je parle du monde qui sont encore là, en public, puis qui sont continuent à baratiner le monde, puis je pèse mes mots, là, avec des affaires d'extraterrestres, puis de maudites niaiseries ésotériques. Ça me sort tellement par les yeux, comme le milieu du supramental. Je suis tellement plus capable de ce monde-là. Même en dénonçant ce milieu-là, ben, c'est sûr que ça va attirer du monde qui ont été là-dedans. Puis, je me rends compte que de plus en plus que là, c'est être masochiste, c'est vraiment être masochiste. Il me semble que je mérite pas ça. Il me semble que je mérite des échanges mieux que ça dans ma vie. Puis que je mérite de côtoyer du monde sain un peu. Dans le sens, je suis pas en train de dire que mes abonnés sont malsains. Au contraire, je veux dire, c'est quand même bien. Puis là, je suis en train d'atteindre le niveau d'abonnés. J'ai beau dire au monde, abonnez-vous pas. Plus je dis ça, plus ils s'abonnent. La psychologie inversée est bien plus forte que n'importe quoi. Finalement, le monde, il s'imagine pas que je suis sérieux quand je dis ça. Là, je suis sur le bord d'atteindre le niveau que je pourrais monétiser. Puis je me dis, si jamais je l'atteins, ben j'ai pas le choix de monétiser, c'est la logique dans le sens que finalement je perds tellement d'énergie là-dedans, je perds tellement, ça m'en donne aussi, mais j'en perds aussi, puis je me dis bon ben qu'est-ce que je fais? Parce que là je tombe en conflit avec certains de mes principes. Ben ça va être le dernier direct samedi possiblement, puis possiblement que je vais finir par fermer ça puis m'occuper juste de mes affaires parce que là à un moment donné c'est pas ça pas de bon sens. J'ai vraiment l'impression que finalement, oui, ça va avoir servi à quelque chose, mais qu'en bout de ligne, finalement, je vais tout le temps finir par payer pour. Fait que, coudonc, qu'est-ce que vous voulez que je l'avais dit il y a quasiment 10 ans, faites-les vos affaires de secte puis tout, mais moi, j'ai tout le temps été tout seul, là. Tout seul. C'est pas un groupe de personnes qui m'entourent, je veux dire, même mes abonnés puis tout, là, c'est pas comme les affaires. Ah, je vais les nommer Sylvie Bergeron qui vend ses formations à des prix de fou, puis l'autre, le Sandra Vimont qui vend des soins énergétiques, puis un paquet d'affaires dans le fond qui relèvent de l'autosuggestion puis du psychosomatique à des prix de fou, tant qu'à moi, des conneries de soins énergétiques puis d'affaires de même. Surtout du monde qui sont tout le temps malades, qui sont souvent malades. Quand je dis je suis jamais malade, ça veut pas dire que je suis jamais malade. C'est une expression, c'est en voulant dire je suis pas souvent malade. Même j'ai une santé que j'avoue que je trouve surprenante. Là, c'est surprenant que je sois en santé à ce point-là. Mais là, finalement, moi, je veux pas avoir affaire à des malades. Je veux pas parler toute ma vie rien que des malades, comme Richard Glenn, qui est un hostie de malade. Un hostie de malade qui a servi à dans le fond, à faire qu'il y a du monde qui rentre dans l'ordre du temple solaire, qu'il y a du monde qui rentre chez les Raéliens, qu'il y a du monde qui perd leur argent dans les affaires à Bernard de Montréal. Puis même des fois, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, le monde, il le voit pas. Ben, je vais finir par considérer que c'est mérité. C'est mérité, puis moi, je donne des coups d'épée dans l'eau, puis je donne des coups d'épée dans l'eau, puis c'est comme porter un fardeau. À un moment donné, oui, à force de porter un fardeau, on vient plus fort. Mais finalement, dans le fond, je suis tout le temps tout seul, complètement seul. Il n'y a pas plus seul que moi. Il n'y en a pas de secte ici. Puis il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, c'est quelque chose que je vais tout le temps dénoncer. Même ceux qui disent « Ah, oh, c'est pas une secte », c'est « Ah, oh, là, si ma femme, elle me disait, si j'étais en train de faire une secte, ma femme, elle me dirait « Hey, là, t'es en train de faire une secte ». C'est ça que Bernard, il disait, puis ça, c'était censé nous protéger de « Ben oui, c'est ça, que ça serait jamais une secte ». Ben oui, mais c'est devenu jusqu'à un certain point des sectes. Je veux dire, il y a des dynamiques sectaires. Tout le temps à demander des dons, tout le temps quelque chose à vendre. Ça vous... Tant qu'à vendre de quoi, ouvrez-vous une fruiterie, quelque chose de même, vendez quelque chose de réel. Si vous voulez faire de la vente au détail, pas du pipeau, puis des fadaises, puis des histoires, des contes pour enfants. C'est pareil pour le reste. Par rapport à tout l'ouvrage que j'ai fait, ça remontait jusqu'à Adela Tremblay-Sergerie, puis je me demandais, c'est qui la madame en moyen qui était mentor puis commanditaire d'un paquet d'affaires, puis j'ai fini par le trouver. Mais finalement, toutes ces informations-là, c'était pour moi, ça m'a servi, parce que jusqu'à un certain point, ben c'est des affaires qui m'ont été imposées. Je suis né que c'était là, que mon père, il est obsédé par des niaiseries de même, puis sa mère aussi. Puis finalement, ben jusqu'à un certain point, il a fallu que je baigne là-dedans. Donc, il fallait que je règle ça. Puis je considère que c'est réglé. Moi, mon idée est faite. Puis j'ai pas à faire la même erreur que d'autres pour essayer de convertir le monde à mon idée. Ça m'intéresse pas. Vous allez le voir par les événements. Ce qui est réel ou pas, c'est pas compliqué, là. Fait qu'à un moment donné, il me semble que je mérite une meilleure vie que ça, de me faire haïr pour rien, que dans le fond, je le mérite pas, là. Mais je suis là, focusé sur du monde détestable, du monde qui mérite de l'être haï. Mais c'est certain, l'être humain, c'est un animal social. Il va tout le temps penser que les gens avec un masque psychopathique de gentillesse, que ça, c'est du monde sincère, puis eux autres, ils aident, hein. Eux autres sont merveilleux. C'est sûr qu'ils paraissent bien, puis moi, j'ai l'air de quoi? J'ai l'air méchant. J'ai l'air de c'est ça, ça me rend antipathique, puis j'ai l'air méchant. Puis finalement, je mange tout le temps de la merde, peu importe ce que je fais. Fait que là, écoutez-moi bien. Vous allez vous arranger tout seul. Parce que moi, personnellement, ben c'est bien dommage, mais je m'arrange tout seul dans le sens que, ben j'ai plus besoin de parler de ces affaires-là. Il me reste juste à observer, à regarder ce qui se passe. Puis j'ai même plus besoin d'échanger, c'est même plus nécessaire. Ça veut pas dire que je suis ingrat par rapport aux gens qui m'ont soutenu puis avec qui j'ai eu des échanges intéressants. Ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, il va falloir que tout ça prenne fin. Je le sais que j'avais dit que je serais là jusqu'à la fin. Je vais être là jusqu'à la fin. Dans le sens que je vais tout le temps observer. Je vais tout le temps regarder ce qui se passe. Ça se peut que je réapparaisse. Je le sais pas. On sait jamais ce qui peut arriver. Selon les circonstances, par exemple. Puis aussi, c'est ça. Mais pour le reste, là, ça vaut. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça que je me demande. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je suis pas en train de consacrer une partie de ma vie à dénoncer des choses qui vont s'amplifier de toute façon, puis que ça change rien de les dénoncer? Le monde sont tellement niochons puis cabochons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Il y a absolument rien à faire. Ils comprennent rien. Je veux dire, ben peut-être c'est moi qui comprends pas, je le sais pas, là. Je viens que je le sais plus. Donc, dans le fond, mon idée est faite, ben franchement, j'ai mon idée à moi. Je le sais qu'il y a des affaires que ça, ouais. Ça sera jamais bon. Puis il n'y a rien qui va sortir de bon de ça. Puis on aura beau le dénoncer. On peut pas sauver un arbre empoisonné. On peut pas sauver des grabateurs. On peut pas rajeunir des vieilles affaires toutes croches que c'est le processus naturel que ça creuve. Fait qu'à un moment donné, c'est par principe que je le faisais. Mais là, ça va faire, là. Ça va faire. Le monde sont tellement... J'ai de la misère, carrément, à vous dire à quel point je vais tout... Même sans attente, sans avoir d'attente, j'ai un bout d'être déçu tout le temps. Le monde qui reste dans ces affaires-là, puis qui continue d'être dans les affaires d'ésotérisme, puis d'écouter Glenn, puis d'aller sont encore accrochés sur les affaires Bernard de Montréal, puis Ben, jusqu'à un certain point, c'est parce que ça leur sert à quelque chose. De la même façon que les doses de drogue, d'une certaine façon, oui, à court terme, peuvent empêcher un drogué d'être malade, d'avoir des symptômes de sevrage, je ne le sais pas trop. Mais moi, personnellement, je suis rendu à un niveau que je vais devenir méprisant, là, je vais devenir pas correct, là, si ça continue. Parce que c'est une honte. C'est une honte. Vraiment. Puis des fois, je me dis, ben, notre peuple, il est pas vite, vite. Pas dans le sens que je serais plus vite tant que ça, là. J'ai l'impression, des fois, c'est pire. C'est pas l'affaire que le peuple est pas vite, vite. C'est l'affaire qu'il est naïf. C'est de la naïveté puis de la crédulité, là, jusqu'à un certain point. Moi, jamais, jamais que je vais exploiter la crédulité du monde de même, comme je le vois. Comme je le vois, l'autre, là, d'avoir fait la promotion, hey, à un moment donné, c'était rendu, recevant encore des Raéliens, puis Lucifer Leclerc, puis envoyé donc. Le monde, là, qui ont ça dans leur région, ce bonhomme-là, ça vous tente pas, là, de lui dire ce que vous pensez quand vous le rencontrez en personne? Il y a personne qui ose. C'est quoi, ce peuple de lâches-là? C'est des criminels! C'est des criminels, ces gens-là. Ils sont dangereux. J'ai l'impression d'être tout seul à m'en rendre compte. Bon, ben, coudonc, ça crèvera de sa belle mort en attendant les extraterrestres. Mais finalement, moi, je rendu à un point que je suis plus capable. Vraiment, c'est de l'exaspération, là. Fait que je vais au moins toujours bien prendre une pause. Je vais toujours bien prendre une pause parce que là, c'est en train de devenir quelque. C'est tellement ridicule. Vous trouvez pas ça ridicule, tout ça? De voir que. Ben non, regardez, là, il y en a, là, les mangeux de salade, là, les mangeux de luzerne qui tripent sur Robert Kennedy Jr. Alors, regardez-les, ils sont en train d'assouplir les lois pour que les bonnes femmes ménopausées soient empoisonnées, qu'ils enlèvent les avertissements pour les hormones, puis ils font tout le temps le contraire de ce qu'ils disent. Puis c'est dans tout, que ça soit dans la spiritualité, dans la politique, dans tout, c'est dans tout, tout, tout. C'est vraiment une époque, je dirais, pas différente des autres époques, finalement. Mais simplement, aujourd'hui, ben, tout est plus laid. Les gens sont de plus en plus. Je trouve qu'au niveau des rapports, il y a de moins en moins moyen d'avoir des rapports courtois avec la bande, surtout avec des sujets de même, parce que c'est moi qui vais devenir méchant puis vulgaire, là, si je continue. Donc, à un moment donné, c'est pas, j'ai d'autres affaires à voir. J'ai d'autres affaires à faire, puis j'ai pas l'intention de passer ma vie à parler à du monde qui. Je veux dire, je le sais qu'il y en a qui comprennent ce que je dis, puis ils le voient. Mais le reste, là, il me semble que j'ai pas à subir ça. J'en ai assez dit pendant des années pour qu'il y en ait en masse, je veux dire. De toute façon, il y a rien là, là. Il y a absolument rien là. Ça n'a aucune importance, dans le fond. Tout ce qui a de l'importance, c'est le fait que vous la voyez, l'arnaque. Que vous les voyez vous-même, les arnaques. Parce qu'eux autres, ils vont rester. C'est tout le temps ce monde-là qui, dans le sens que, ben, un pas bon, c'est un pas bon. Puis être criminel, ça, c'est une affaire de carrière. C'est des carrières qu'ils ont. Fait que c'est sûr, ça va rester, là, toute cette marde-là, de Lux Media, d'Alexis Cossette-Trudel, que finalement, d'une façon ou d'une autre, ça va tout rester, ces affaires-là. Puis c'est moi qui étais de passage. C'est moi qui est de passage, parce que justement, à un moment donné, tant qu'à être honnête, je vais être honnête par rapport à moi-même aussi. Je vais pas me laisser porter une mission. J'ai tout le temps été contre cette idée-là. Parce que là, je vais pas me sacrifier, moi, là. Pourquoi je me sacrifie de même à me faire haïr, à me faire détester par du monde ingrat qui comprennent même pas de quoi je parle, qui savent même pas de quoi il est question, dans le fond, ou bien qui sont d'un vapeur de la spiritualité autant que du reste des philosophies puis des idéologies puis de ci puis de ça, tandis que l'important dans la vie, c'est pas ça. Moi, mes yeux, c'est pas ça, en tout cas. C'est bien dommage, mais il va falloir vous arranger jusqu'à un certain point. Il va falloir devenir votre propre Bertold, dans le fond, dans le sens que, ben, c'est pas normal non plus d'être accroché à mes paroles tout le temps. Hein? C'est d'être indépendant. Vous êtes supposé être indépendant de penser. J'ai tout le temps considéré comme un oxymore le terme libre penseur, parce qu'on peut pas être libre penseur ou de la façon dont moi je le perçois. Mais il y a moyen d'être libre pareil. mais ce sera jamais par une idéologie, une philosophie, une spiritualité ou quoi que ce soit comme ça. Ça va tout le temps être par l'honnêteté. Dans le sens que c'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi? Ben, c'est ce qui est clair, qui apparaît clairement. Plus ça m'apparaît clairement que je perds mon temps. Je perds mon temps, je perds du temps, puis je perds de l'énergie avec tout ça. Je suis tout le temps obligé de réajuster, puis de réajuster, puis de réajuster. À un moment donné, ça va faire. Réajustez-vous tout seul, ou bien crevez. Parce que dans le fond, c'est ça, je veux dire, ça fait partie des lois, ce qu'on, à un certain point, on pourrait dire des lois de conséquence. Dans le sens que, si vous n'êtes pas ajusté à ce qui se passe pour vrai, ben vous ne serez pas ajusté, puis c'est des affaires de conditions de survie à un moment donné. Donc, arrangez-vous. C'est le plus beau cadeau que je peux vous faire. C'est de vous domper dans le champ tout seul. Comme je l'ai été. L'autre qui s'en va me demander, crois-tu en Dieu? Ben oui, mais qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire? Quand vous croyez en quelque chose, parce que vous savez pas, sinon vous seriez pas obligé de croire. Soit vous savez, soit vous savez pas. À un moment donné, c'est une affaire de confiance, pas de croyance. Je crois en la vérité, je crois en la gloire. Je crois en la clarté, puis je crois en ce qui est réel, dans le sens que je pense qu'il y a des choses qui sont réelles au-delà de notre perception, puis qu'on se désinforme par nos interprétations. Mais je peux vous dire dans quoi je crois pas. Dans quoi je crois pas. Je crois pas pantoute que Bernard de Montréal est un avatar missionné pour apporter une instruction sur Terre. Ça, j'y crois niet fuck all. J'y crois plus pantoute, même si j'ai déjà pensé que c'était réel. Il reste qu'à un moment donné, ça va faire. Oh, est-ce qu'on est des sans-dessins? Il faut juger un arbre à ses fruits. Puis quand on regarde comme il faut, puis qu'on regarde justement, qu'on regarde comme il faut, c'est ça, qu'on regarde comme il faut, on se rend bien compte que ça n'a pas d'allure, qu'il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. Si il ne serait-ce que 5% qui n'a pas de bon sens, moi je rejette tout. C'est tout. Je ne vais pas me mettre à manger une pomme qui a 5% d'arsenic dedans en me disant, ben elle a 95% de bon. À un moment donné, ça n'a pas d'allure, ça. Puis je crois pas non plus dans des affaires comme luxe, mais je crois pas dans les supposés. Je crois en rien, finalement. Mais vous dire une affaire dans laquelle je crois. Je crois en ma dureté. Je crois en ma discipline. Je crois en ma capacité de m'arranger. Je crois en ma capacité d'être... Je crois en ma vanité puis en mon orgueil pour me sauver. Puis je parle pas ici dans un sens péjoratif, dans le sens que je crois en ma rigidité, que je crois en mes valeurs, ça oui. Puis que je crois aussi dans le fait que c'est ça, dans le fond, qui m'a tout le temps servi, puis qui va tout le temps me servir, puis qui m'a tout le temps sauvé jusqu'à un certain point. Je pense que, justement, on est dans un monde qui est en perdition, mais que c'est pas une raison pour le rejeter non plus. Mais on peut toujours bien choisir. On peut toujours bien choisir d'avoir affaire avec quelle strate de ce monde-là qu'on va avoir affaire. Est-ce que j'ai envie, moi, d'avoir juste des rapports avec du monde qui se désinforme avec des maudites niaiseries, ou des affaires qui se tiennent d'un vapeur de la spiritualité puis de l'ésotérisme puis des affaires à spéculer sur c'est quoi les ovnis puis ces affaires-là, ça non, je crois pas en ça, je pense que c'est malsain. Il y a d'autres affaires à faire dans la vie que des maudites affaires de même. Il y a jamais rien de bon qui va sortir de des conneries de même. Je crois justement dans le fait d'avoir une vie un peu plus saine, d'avoir du discernement, d'avoir la capacité de gérer logiquement ses affaires, de tirer son épingle du jeu. Ça fait longtemps que je le dis. Mais des affaires de maudite intelligence artificielle, puis de cossin, puis de jaser avec ça. Puis non, moi, je veux jaser avec du vrai monde. Puis le vrai monde, c'est pas sur Internet que je vais en trouver. Dans le sens que oui, il y en a, mais il y a tellement de sautés. J'en ai plein le cul de me faire des menaces par des sans-dessins. Viens-t'en, mon innocent. Ose essayer de t'en prendre à mon intégrité physique. On verra pas ce qui se passe. Vous êtes loin de vous douter à quel point je le souhaite des fois. Là, l'autre Glenn qui est là, « Oh, la peur ultime de tout le monde, c'est la mort, puis tout. Maudit que j'ai hâte d'avoir fini ce que j'avais à faire, d'avoir fait mes affaires, puis d'être fier de moi, puis de pouvoir calisser mon camp de cette petite boule de sans-dessin-là, dans le fond. Puis j'essaie de pas me laisser aller à des idées de même. Je fais mon gros possible. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte autrement en essayant de rationaliser ça comme si ça avait de l'allure, ce qu'on voit? » Je crois pas dans rien que rapport avec le gouvernement. Je pense que tous les députés, c'est des sans-dessins, de la même affaire que tout le monde qui se garoche en politique. Faut être un esti de cave dans le système comme il est là. Puis c'est pareil pour le reste. Je crois pas non plus dans la bonne foi des gens qui ont donc l'air bien intentionnés puis gentils. Au contraire, quand je vois ça, je me méfie immédiatement. Je me méfie immédiatement parce que je le sais par expérience. Je le sais par expérience comment qui est l'être humain. Puis c'est pas vrai ça que vous allez me faire des accraires, que vous êtes en contact avec les hautes strates de la lumière au point de charger 1 800 $ pour des formations. Voyons donc, vous nous prenez pour quoi? Parce que souvent, on me l'a demandé, tu te prends pour qui, tu te prends pour qui? Je me prends pour personne. Je me prends pour personne, pas en tout. Je considère que j'ai aucune importance puis que je suis insignifiant dans l'univers puis j'ai l'impression jusqu'à un certain point que je suis tout seul à être lucide. Que je suis rendu tout seul à être lucide puis à me rendre compte que tout ça, c'est des niaiseries. Finalement, à un moment donné, il va bien falloir en sortir par quelque part. Il va falloir en sortir soit par le bas, soit par le haut, mais il faut en sortir par quelque part. Puis jusqu'à un certain point, à un moment donné, ça va faire. J'en ai plein le cul de me faire poser des questions insignifiantes, d'avoir affaire à des sans-dessins qui me font des menaces. Viens-t'en! Viens-t'en! Ose voir! T'es loin de te douter à quel point je le souhaite. T'es loin de te douter à quel point je le souhaite, puis que jusqu'à un certain point, il est peut-être là le test ultime. On verra bien qui c'est qui s'en sort. On verra bien. Mais pour le reste, vous me ferez pas à craindre que c'est honnête, que ce monde-là sont honnêtes. Que ça soit peu importe qui, d'essayer de nous vendre de ce maudit mangeux de marde. Trump, c'est ni un génie ni l'antéchrist, c'est rien qu'une hostie de manipulation politique comme il y en a tout le temps eu au cours de l'histoire. Vous aurez beau le qualifier d'antéchrist, comme il a été dit pour Napoléon, comme ça avait été dit pour Hitler, il reste que lui, il va crever. Il va finir par mourir, puis on va passer à d'autres choses, puis ça va être un autre marionnette. C'est tout. Donc là, arrêtez de rire de moi. Arrête, au moins, si ça pouvait allumer un peu plus que ça. Parce que là, c'est rendu que je suis tellement en colère, j'ai tout le temps, là, 24 heures sur 24. Il y en a, ils disent, ils ont eu le COVID 10 fois. Vous savez même pas c'est quoi, dans le fond. Vous savez même pas c'est quoi avoir le feu pris par en dedans, au point que, justement, ben, ça peut pas faire autrement que de tout brûler. De tout brûler, dans le sens que, ben oui, il y a eu une purge quelque part, dans le sens que veut pas, à un moment donné, il faut se faire face au réel, le vrai réel, pas celui-là qu'on rentre dedans, volontairement, avec son ego, celui qui nous rentre dedans parce qu'on n'a pas le choix. Là, c'est rendu, est-ce que vous avez le courage d'avancer ou pas? Est-ce que vous avez le courage de faire avec ou pas? Est-ce que vous avez le courage d'envisager que possiblement c'est pas comme vous pensez? Puis que possible. Êtes-vous capable de reconnaître une erreur? Moi, je suis capable de reconnaître une erreur. Bernard de Montréal, c'est un mangeur de marde, c'est un crosseur, c'est une pourriture, c'est un criminel, c'est une charogne. Ça, je me suis trompé, oui. Je me suis trompé par le passé, puis j'ai fini par l'admettre. Mais l'ultime orgueil du monde qui veulent pas le voir, que finalement on persiste dans l'erreur tout le temps, ben c'est ça que vous allez payer cher. Vous allez payer cher, et le prix va être cher. C'est sûr, ça peut pas faire autrement. Mais à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de dire, c'est tout des crosseurs, toute la gang. C'est tout des sans-dessins, toute la gang. Que ça soit Ménard, que ça soit Kemp, que ça soit Bernard de Montréal, que ça soit Glenn, c'est tout de la pourriture. Puis ils servent à rien, ils ont nuit. Ils ont tout le temps nuit. Puis même, on aura beau rationaliser en pensant que ça allait apporter un peu de bon. Moi, le peu de bon que ça va m'avoir apporté, c'est que ça va m'avoir rendu encore plus dur, encore plus intransigeant, encore plus implacable, encore plus frette. Jamais aucun d'eux autres va être froid comme je peux m'être rendu à l'être. C'est impossible parce que je le vois que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a donné un sens à leur vie. Puis moi, je considère que ma vie a pas de sens, elle a une nature. Puis ça, je l'avais vu dès le début. Pas par Bernard de Montréal, pas par l'ésotérisme, pas par la religion, par moi-même. Par moi-même, parce qu'il y a quelqu'un pour vrai. Il y a quelqu'un pour vrai, il y a une conscience pour vrai, il y a un esprit pour vrai qui est là. Je vais pas commencer. À un moment donné, faut avoir le courage d'être dans le noir. Faut avoir le courage d'être tout seul. Faut avoir le courage d'être tout seul dans le noir puis d'arrêter de trembler. Puis c'est pas vrai, ça, que je vais me mettre à plier par rapport au fait que mes congénères sont comme des bactéries dans un plat de pétri. S'il faut, ça sera moins la goutte de vinaigre, mais ça sera plus public. Ça sera plus public. Je vais avoir créé autour de moi ma propre circonférence d'espace de liberté puis de créativité, où ce que je mène mes affaires comme je le veux. comme je le veux. Puis s'il faut que ça finisse en un despotisme privé, ça va être ça, mais au moins, il y a juste moi qui y sera assujetti. Puis vous autres, qui avez été des fois tellement puéril avec moi, tellement ingrat des fois, tellement, je parle, il y en a, ils vont se reconnaître. Ben, vous saurez que j'ai tout le temps été honnête, tout le temps. Puis dans le fond, je vous trouve lâche. Je vous trouve lâche tout autant que vous êtes avec vos Christine niaiseries. C'est de la perte de temps. Vous êtes là devant un métier à tisser, à tresser des tapis de macramé que les générations d'après vont s'essuyer pieds dessus, puis c'est tout sans les voir. Comme c'est tout le temps le cas. Je suis pas dans l'illusion d'accorder aucune espèce de valeur à ce que je fais. Pas parce que j'ai un problème d'estime par rapport à moi, mais parce que je suis réaliste. À un moment donné, être dans le réel, c'est aussi être réaliste. Puis il y a personne qui va m'empêcher de penser que toutes ces maudites affaires-là, que ça soit Sandra Vimont, que ça soit Sylvie Bergeron, que ça soit Richard Glenn, que c'est pas tout des niaiseries, de la menterie puis des conneries. Vous êtes là à nous prédire, on est en train de construire un monde nouveau qui va être ci, qui va être ça. Moi, c'est pas ça que je vois venir. D'un autre côté, je vois pas les mêmes catastrophes que d'autres voient venir. Parce que dans le fond, ils l'aiment pas le monde. Vous l'aimez pas le monde, vous aimez pas la vie. Vous voulez que ça soit détruit dans le fond. Tandis que moi, tout ce que j'aurais voulu, c'est d'avoir la paix. Ben, c'est ça. La paix, faut se la faire. Puis là, à cette heure que j'ai fait la guerre, puis que à cette heure que je suis plus situé, puis que je vois plus clair par rapport à moi-même, ben la paix, c'est celle que je vais me donner, dans le sens que c'est ma cour puis mes bébelles. Puis que j'en vois pas un venir me refaire chier ou venir me racheler dans ma vie privée avec des affaires de même, parce qu'il va se faire sortir direct. C'est tout. Je veux dire, moi, personnellement, au niveau de mon entourage, au niveau de ma famille, j'ai pas de conflit avec personne. Personne. Tandis que là, on a affaire à un paquet de monde, sont en conflit avec leurs parents, sont en conflit avec leurs enfants, sont en conflit avec ci et ça. Moi, au moins, je vais m'être mis en conflit avec ce qui méritait d'être en conflit avec, ce qui méritait d'être testé. Toutes ces maudites pourritures-là, c'est des criminels, ça mériterait d'être placé dans des cages, dans des cachots. Mais comme on vit pas dans un monde de justice, on vit dans un monde de logique, de conséquences, puis de mécanique. Donc, tôt ou tard, c'est les événements, c'est les circonstances qui définissent qui avait raison puis qui avait tort, dans le fond. Puis mon but, c'est pas d'avoir raison, c'était d'avoir la paix. Puis jusqu'à un certain point, je trouvais ça tellement grave, je trouvais ça tellement inacceptable, ce que je voyais, que je pouvais pas m'empêcher de dire quelque chose, puis c'est par principe que je le faisais. Mais ça m'a rien apporté dans le fond, peut-être à part me solidifier, puis finalement être pire que ce que j'étais. Ça, c'est ceux qui le voient, qui voient des défauts dans ce que je considère comme des qualités. Mais là, à un moment donné, l'ultime test, c'est de vous arranger tout seul. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Puis vous aurez beau vous créer des familles de substitution, vous aurez beau vous illusionner que vous socialisez à travers un ordinateur, c'est pas ça qui va faire pour autant que ça va être réel ou pas. Au contraire. Donc là, à un moment donné, la question, il n'y a même plus de questions à se poser. Il n'y en a même plus de questions à se poser. Moi, je m'en pose même plus. Je regarde d'aller ça, puis mon idée est faite. Puis c'est pas vrai, ça, que je vais être là, moi, là, toute ma vie sur YouTube, à avoir des abonnés pour monétiser une chaîne, puis essayer de créer du contenu, puis à me dire créateur de contenu. C'est quoi ces niaiseries-là? J'ai tout le temps haï ça, la technologie, j'haï ça, Internet, j'haï ça, le monde qui sont tout le temps là-dessus. Ça m'écœure. C'est pas à ça que ça devrait servir. Je me suis tellement mis la tête sur le bio, souvent je me suis tellement placé en pleine ligne de tir, j'ai tellement été frondeur. À un moment donné, quand je regarde ça, on est rendu où, là? C'est rendu des bonnes femmes, les faces enflées, pleines de botox, puis ça se dit conservateur. Des bonhommes qui ont des mœurs méprisables, puis ça se dit conservateur. C'est peut-être bien dommage, mais si ça continue, c'est arrivé des fois que je me suis dit, coudonc, je vais aller vivre avec des mnémonites, je vais aller vivre avec des amis, mais il aurait fini par me mettre dehors, parce que Je suis pas accroché sous l'Ancien Testament autant qu'eux autres. Puis aussi, ben, il y a certaines affaires dans la vie que je considère qu'on y a droit. Puis eux autres, ils considèrent que non. Fait que c'est sûr que la chicane aurait fini par pogner. Peu importe où je m'en irais, la chicane aurait fini par pogner. C'est peut-être ça qui a fait moi le meilleur dénonciateur de secte qu'il n'y a pas. Dans le fond. Dans le sens que, moi, je peux pas appartenir à rien. Je peux pas appartenir à rien parce que je m'appartiens. Sois seul si tu veux t'appartenir. C'est de même que ça se passe. Mais dans le sens, pas être seul au sens d'être isolé socialement. Mais je vais quand même pas socialiser pour des raisons de confrontation avec des milieux répréhensibles qui ont pas de sens. Que le monde sont virés sur le top complètement ou qui pèlent des nuages ou qui se construisent des utopies. Ça, ça n'a aucun sens. C'est ça que vous voulez? Il y en a même un, il était venu m'écrire, il dit « Ah ben c'est grâce aux francs-maçons que les chemins sont pavés puis tes empreintes pareilles. » Ah oui? C'est quoi de venir me dire des insignifiances pareilles? Ça pourrait expliquer l'état des chemins en tout cas. Ça pourrait expliquer l'état des chemins. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais tout le temps me tenir debout face à ces affaires-là, dans le sens que ça me fait pas peur. Il n'y a absolument rien qui pourrait me faire peur. Mais absolument rien, dans le sens que j'en viens jusqu'à un certain point à considérer comme insignifiante ma propre préservation. J'en ai mis des fois souvent ma propre vie, jusqu'à un certain point, dans la balance, au point où c'était des paris risqués, puis je l'ai fait pareil. Je l'ai fait pareil par principe, parce que jusqu'à un certain point, c'est quoi qui a réellement de la valeur? C'est certainement pas ma vie en tant qu'individu, il y a des valeurs au-delà de ça. Il y a des choses au-delà de ça. Mais il reste que, bon, à un moment donné, je dois bien avoir droit à un repos du combattant puis à regarder, râler les choses par elles-mêmes toutes seules. À regarder tout ça s'enligner par où ça s'en va puis tout, parce que c'est pas la fin du monde là qui est en train d'arriver. Ça fait des siècles que le monde, ils sont là, oh, on est à la fin des temps. On n'est pas à la fin des temps. On est dans le temps. On est encore dans le temps puis c'est pas fini. Je passe ma semaine isolée. Il y a juste la fin de semaine que j'ai un peu de temps de libre, que je peux voir du monde, que je vais visiter mon monde qui est tout le temps rendu à l'hôpital, que toute la famille est en train de me crever d'en face. C'est sûr qu'à un moment donné, je trouve ça lourd. Je suis en train de perdre tout le monde que j'aime. Mais je vais pas me mettre à courir après des hurluberlus puis des énergumènes pour avoir une famille de substitution. Ça, il n'y en a pas question. Le fait que j'ai pas de fondé de famille, ça c'est mon erreur à moi. Mais à un moment donné, il faut avoir le courage pareil de faire ses affaires puis d'être face à soi-même puis de faire ses affaires pareil, c'est tout. Je vais pas commencer non plus à me plaindre. J'ai pas à plaindre puis je suis pas une victime. Puis c'est bien dommage, mais là s'il y en a que tout ce que je peux dire que ça lui fait de la peine, ça c'est votre affaire, pas la mienne. Moi tout ce qui compte c'est d'être honnête, c'est tout. Quand je vois tout ce qui est en train de sortir, quand je regarde ça, puis que je vois qu'il y a encore du crédit qui est accordé à des affaires comme Glenn, c'est plus fort que moi, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi, puis je me dis qu'il y a une partie de la population qui est encore plus stupide que je l'imaginais. L'autre Glenn qui nous parle en bien comme des grands visionnaires de David Koresh, qui abusait de ses propres enfants, qui faisait appeler de femmes, qui empêchait leur mari de leur toucher, qui nous parle en bien de Jim Jones, qui est responsable d'un des pires suicides collectifs de l'histoire, qui nous parle en bien des Raéliens qui reçoit comme des invités, que c'est dans les pires écœurentries qu'il y a jamais eu, qu'on a jamais eu au Québec. Puis en 2001, il était lui puis Bernard de Montréal, ils étaient ensemble à faire des vidéos. Il y a de quoi qui marche pas là. Si vous autres vous le voyez pas, moi je le vois. Puis c'est bien de valeur, mais à un moment donné, il faut le remarquer, il faut le voir que ça se tient pas, il faut le voir que c'est pourri jusqu'à l'os. C'est pourri jusqu'à l'os. Ce monde-là sont tellement méprisables, sont tellement dégueulasses, sont tellement écœurants qu'il n'y a même pas de mots pour les qualifier. C'est pire que des animaux. Des animaux sont mains, ne seront jamais corrompus jusqu'à ce point-là, c'est impossible. Puis qu'en plus qu'il n'y a pas de justice, puis qu'il n'y a pas de police, puis qu'il n'y a pas d'enquête, puis il n'y a rien qui se fait. Il n'y a absolument rien qui se fait. C'est comme si, dans le fond, ça fait notre affaire. Ça fait notre affaire, toute cette pourriture-là. Ça fait notre affaire, la corruption. Dès qu'il y en a qui en prennent connaissance, c'est immédiatement pour prendre parti, prendre leur part. C'est des maudits instincts animaux. C'est des animaux, le monde. J'ai fini par le voir de même. Des fois, je me demande, coudonc, c'est-tu de l'intelligence artificielle, le monde? C'est-tu des automates? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Est-ce qu'il y a un fantôme dans la machine? Est-ce qu'il y a quelque chose? Si au moins la carcasse est hantée par un souvenir de quelque chose. Mais non. Là, on est là. C'est tout le temps. On fait jamais le tri par rapport à ce qu'il y avait, ce qui pouvait être bon. On fait jamais le tri par rapport à, non, faut tout le temps faire table rase. C'est tout le temps de même, le monde. Ben, moi, j'ai pas envie de faire table rase. J'ai pas envie de faire table rase. J'ai envie de vivre comme je veux. Selon ce que je pense, puis selon ce que je suis. Puis je le sais que non, c'est pas la fin. Au contraire. C'est pas la fin, au contraire. Ben, crime, je suis aussi bien de vivre dans mes affaires, puis d'être maître chez nous. Si mon peuple est trop imbécile pour être maître chez lui, qui est trop imbécile, qui accepte tous les gourous de la planète, qui accepte toutes les niaiseries de la planète, tous les crasseurs du monde, puis qui se laisse faire, puis qu'il y a personne qui fait rien, qu'on est rendu que, ben, coudonc, tant qu'à être son propre médecin, tant qu'à être son propre prêtre, tant qu'à être son prêtre, je vais être aussi mon propre maître jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Puis j'aime autant vivre dans mon petit fief ridicule. J'aime autant être, au moins, être l'autorité ici de chez nous. Puis d'être maître chez moi. Il n'est pas question que je vive selon des valeurs de déliquescence puis de déconstruction complètement stupide. Puis s'il faut, je serai le dernier. Je serai le dernier de ma race, puis peut-être même le premier, c'est tout. Puis c'est pas l'affaire qui m'aime me suit. Si vous m'aimez, sacrez-moi à paix. Dans le fond, ça revient à ça.